Et attention, comme surprise à 22h, voici Gérard avec Fildar. Ouais. Alors, où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi? Qu'est-ce quand? Donc, alors, je vais vous expliquer un peu. Donc, nous, on est au McDo. Donc, Gérard a mon portable, parce que bon, tu vois, il faut qu'il ait le petit dispositif pour qu'on l'entende bien à l'antenne. Ouais. Donc, moi, je suis sur le portable de Marco. Et donc, là, Gérard est dans la queue et il attend, en fait, pour passer la commande, quoi. Donc, il y a encore deux personnes devant lui. Et Gérard flippe comme un as parce qu'il y a un visite qui l'a repéré. Il y a quoi? Il y a un vigile qui l'a repéré. Pourquoi il l'a repéré? Il se demande ce qu'il va faire. Quoi. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il... Du fait qu'il soit sapé comme ça, il l'a pris pour un clochard ou quoi? Je sais pas. Il l'a pris pour un clodo? Ah non, c'est rien. Je te jure, c'est trop mortel. Hein? C'est trop drôle. Donc le but du jeu, quand même, pour expliquer aux auditeurs, c'est que Gérard est en ce moment... Gérard, tu nous entends en ce moment? Ouais. Bon, il est en train de faire la queue, Gérard, il est à un McDonald's et le but c'est de faire comme sur le comme dans le texte de la chanson de This is la peste, je pète les plombs, à savoir qu'il va demander un menu un McMorning. Ouais. Au McDonald's. Voilà. Donc à cette heure-là, alors que c'est pas possible. D'accord, à cette heure-ci bien sûr. Gérard, le petit texte que je lui ai écrit parce que bien sûr il a pas pris par cœur. Ouais. Et donc bah par rapport à ce que la demoiselle veut lui dire, et ben il va répliquer quoi. D'accord. Donc là on attend. Donc là il y a combien de personnes devant toi, Gérard? Il y a combien de personnes devant toi, Gérard? Parce que je suis pas à côté de lui, comme on a deux portables. Il y a combien de personnes, Gérard, devant toi? Plus qu'une personne. D'accord, ok. Et il y a les vigiles qui sont là en train de surveiller Gérard. Non, c'est bon, il est parti. Ah, il est parti, d'accord, oui, d'accord. Donc, c'est bon. Gérard, le vigile est parti, tu peux cartonner ça. On reste en direct pour le moment et on suit en direct ce défi de... C'est le défi de Gérard, quelque part, hein. Bah oui, c'est ça, enfin, pas ça, pareil, mais j'en ferai un fois si vous voulez, mais attends, parce que, ça va être mortel. Attention, ça va arriver, vous allez pouvoir vivre en direct, donc, Gérard, en train de faire le défi. En train de faire la queue dans un McDonald's en direct live et nous demander donc à la caissière un McMorning. Et un McMorning, on peut commander ça jusqu'à midi, pas après. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on en est où là, Gérard? Il y a encore une personne devant, Gérard? Ouais. D'accord, ok. Donc, Gérard est là, il patiente gentiment. Et tu fais ça à la rigolade, Gérard, un bon esprit. Hein. Ouais, mais attends, l'autre, il est à 3 km de moi. Non, mais t'inquiète pas, ici, on veille de loin. Fildart, tu le lâches pas, hein? Non, t'inquiète pas. Non, mais attends, il est à 3 km, il est même pas là pour venir m'aider. Puis, mais non, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Et après, on aura Lolita de 3 et on aura Laetitia de Gemont pour un petit coup de gueule sur les PlayStation. Donc, autant dire qu'on n'est pas pressé. Et après, c'est Laetitia qui est Lolita qui posera comme question. Je vous le dis tout de suite, hein, les auditeurs. Vous sachiez au courant, hein, je suis au courant du sujet de Lolita. Pourquoi les mecs pensent-ils que les filles sont des salopes? Donc, on saura tout ça dans un instant grâce à Lolita qui doit se poser des questions et je lui répondrai. Et vous, les garçons, vous allez pouvoir appeler et réagir à tout ça. On en est où, Gérard? Toujours pareil. Toujours pareil, ça n'avance pas, là? Bon, pour vous faire présenter, j'ai une petite blague. Allez, vas-y, une petite blague, Fildar. Bah, c'est pas une petite blague. En fait, j'ai vu ça ce matin dans le journal. Vas-y. Il y avait en fait des codes barres sur les préservatifs. Ouais. Tu savais ou pas? Non. Oh putain, je te jure, t'es grave, toi. Je suis sûr que t'as jamais déroulé assez loin le préservatif. D'accord, ok, ouais, super, ok. D'accord, gag, Ralin, tu les inventes, ouais, tes vannes. Pourquoi? C'est toi qui les inventes. Ben non, pourquoi? C'est des vraies blagues. Attends, celle-là, elle était dans le Guinness des blagues 99. On en est où, Gérard? Toujours même point. D'accord, toujours même point pour l'instant. Il s'est pas avancé, ça. Ouais, c'est normal. Gérard se fait discret, bien entendu. Hein. Ah bah oui, il veut pas se faire repérer, ça serait dommage. Donc, il fait très attention. C'est clair que tu mets Gérard dans un McDo, c'est clair qu'il est discret. C'est clair. Ouais. Donc là, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Ouais. Non, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de caisses. Donc, tu vois, il est obligé de faire un peu la queue, quoi. T'as bien répété le texte, hein, Gérard? Ouais. Parce que pour peu qu'ils nous plantent ça en l'espace de 2 secondes, putain, le déplacement de la radio pour aller jusqu'à un McDonald's en plein Paris pour que ça dure 3 secondes, ça va être bon, ça. Hein. Non, mais il va me faire un peu carré. Ah, tu vas me faire du bon boulot carré, mon petit Gégé. C'est quoi ça? Oh, bah, il y a l'autre qui est juste derrière moi, en plus. Qui est derrière? Qui c'est qui est derrière toi, Fildar? Le vigile, ah, putain, il s'est mis juste derrière. Ouais, il est... C'est l'odeur. T'inquiète, reste discret, Gérard. Le problème, GG, c'est que tu sens le filet aux fiches. Donc bon. Parce qu'il dit que tu sens le filet aux fiches. Allez, Gérard. Attends, il attend, c'est bon, il va aller lui parler. Il va aller lui parler, là. Qui, Fildar? Ouais. D'accord. Bon, moi, vas-y, Fildar. Il veut rien dire en plus. Bon, t'en es où, Gérard? Encore quelqu'un devant toi? Ouais, encore une personne. Oh là là là là. On a hâte de se marrer. Tu nous fais un truc que il faut que tu nous fasses rire, hein? Ouais, bah, je vais essayer. Mais bah, t'inquiète pas, ça va être bon. T'inquiète pas. Ça va le faire. Bon, et pendant ce temps-là, moi, j'en profite pour dire que demain, si vous êtes du côté de Tours ou de Amboise, c'est dans la région à 40 km de Tours, demain, je suis au Scoop. Je compte sur vous pour venir là-bas. Et puis, le lendemain, je serai au Pam Pam à La Roche-sur-Yon, où je suis déjà allé. Ah, c'est génial, c'est une cabine, et t'es devant une piste, et une piste, elle tourne devant toi. Donc, les mecs, ils avaient pendant qu'ils dansent, la piste, elle tourne, c'est génial. Et en plus, demain, comme c'est l'anniversaire de la boîte, j'offrirai une voiture, je donnerai les clés d'une bagnole. Carrément. Donc, si vous aimez pas ma tronche, venez au moins pour la bagnole. Et après, vous vous barrez une fois que vous avez les clés de la caisse. Ah, attention, c'est bon, vas-y. Ça va être bon dans 2 minutes. Dans 2 minutes, d'accord. Donc, le Scoop à Tours demain du côté d'Amboise, hein, c'est à Amboise. Amboise. Amboise. Amboise. Non, sans air. Amboise. Amboise. Amboise. Amboise. Amboise à 40 km de Tours. Un Magmorning, si vous voulez. Oui. Ben, je vous l'ai commandé, il était 10h. Je vous l'ai commandé, je vous ai téléphoné, il était 10h. C'est une bague. Non, non, non. Vous pouvez m'appeler le patron. Vous avez fait faire les chiffres. Ouais. Ouais, c'est bon, elle a repéré. Oh merde. Ah là, ça n'a pas fonctionné. Fildar, va la voir. Oh, lequel naze, celui-là, ça a duré 2 secondes, c'est bien du jeu. Elle est avec mon ami, mais il est un peu timide quand il arrive dans le McDo. Ouais. En fait, vous savez, je voudrais le morning salé, vous savez, celui avec l'œuf. Vous savez? Mais non, mais c'est fini. Pourquoi c'est fini? On va partir avec le clip, là. Ouais. Le clip? C'est quoi le clip? La chanson, là. Quelle chanson? Les plombs. Non, mais moi, je pète les plombs. Si j'ai pas Mac Morning, je pète les plombs. J'ai tout perdu. Ma femme, mon job, mon gosse. J'ai plein à perdre du coup de bob. Tous les matins, moi. 6h, direct. Allez, tout le monde va péter les plombs. Que tout le monde pète les plombs au McDo. Allez, tout le monde pète les plombs. Bon, le problème, c'est que cette chanson, maintenant, elle est tellement connue. On a dû la refaire tellement de fois. Et en plus, comme nous, on l'a fait en direct à la radio. Ça donnait des idées, bien entendu, aux jeunes qui sont allés le faire aussi de leur côté pendant les week-ends pour s'éclater. Bah, maintenant, c'est plus la peine. Hein. C'est grillé, ça. Hein. C'est clair. C'est grillé, tu es grillé. Hein. Donc, tant pis, on lâche l'affaire. Bah, c'était bien comme défi. Bravo, on peut applaudir Fildar et Gérard. Bravo surtout à Gérard. Hein. Génial. Ah, vraiment, Gérard, t'as fait du bon boulot, on sent que t'es un bon comédien. Vraiment, on sent que t'es à l'école à Anka. C'est la même école. Hein. Je sais pas quelle école vous faites, vous, de comédien, mais vous êtes aussi bon l'un que l'autre. Hein.